makambo yango oyo ti bakosela yo makambo lelo vérité bimi yula bors iswara mbati wana inavwidi kolandela ngo mafingafinga nyonso wana zebo tala mpasi nabaloba nasa mitema bayebi namona momemerance eka papa ja na biso kokeba na baideologi mpe matire batioko namaazalaka jamai mokonza moto Michel Gondaye, Jukende, Bijou Omeoma, Fredi Tafa, Jean-Jacques Ntiko, Jesse Katanga, Béa Katanga, Mimi Katanga, Eugénie Wapapa, Michel Mama, Mazali, na kafufu na malage na nzasi kuna nyonso boyoka kuna ntina dudu na ngola ezali bongo histware ya kobomba te binose bidinda dodi kimsa bicuma isila bibishka tunda mama zaki na restaurant ale mokeba ile tamba ambroise kalunga Nalobia, you know my material, you're so well by Washington. Je m'appelle Adilita, je suis venu sur le méchant. C'est Bana, Max Mpongo, Jacques, Jacques, Jacques. Petit dans la cana, merci de l'année. De l'année. Confirmé. Oh, y'a kata ka bon amour, bon amour, Arma, bon wasa, amour, bon amour. Oh, y'a yon, si l'é kouna, si l'é kélo. Kata ka bon amour, bon amour, bon amour. Alelina ka bon amour. Alain Kala la Dudas, Kilombo, Jean-Paul Katona, Dani, Jenny Koumika, Fabi Mombayoka, Fabinazo, Parlement de la Forte Chimaro, Changer en Syrie, Papi Bolibou, Savamon, Dano Lomata, Michonga, Emile Kokavali, Maître Féroce, Jean-Paul Ngambé, Maître Le Mabé, Kamaka. Oh, y'a y'a mouné, le wata la pareille. Congolais, mais on est la pareille. Et pour Manata, ma bobéga. Allez, grrr, grrr, grrr, je n'ai pas d'unité de Benganga. Saint Thomas le géant. Je n'ai pas d'unité de Benganga. Jeannot Canon, Merlin Canon, famille à propos. La police a arrêté de tomber. Il a pris mon amour. Il a mené dans la forêt. Mais dans la forêt là-bas. Tous les animaux sont pas trop. Ils ont pris. Oh ya ya ya comme un lion. Allez mama comme un pou. Billy Bilolo, Bilolo. Adesse la mouchimaï. Sylvain Mabama. Je suis le seul et le seul.